Nous vous prions d'écouter une production du Club d'essai, Lecture du soir. Cette production bimensuelle est consacrée, nous vous le rappelons, à la lecture d'un roman réparti en 3 émissions d'une heure, 3 jours consécutifs. Nous vous présentons cette semaine un roman d'Anatole France, Les dieux ont soif, dont Michel Bouquet assure la lecture. Aujourd'hui, 3e et dernière partie. Résumé des 2 premières émissions. Évariste Gamelin, le héros principal du roman d'Anatole France, est un membre du tribunal révolutionnaire en l'année 1793. Pénétré des idées républicaines de Marat, Robespierre, épris de justice, il laisse emprisonner un vieux et grave ci-devant, Maurice Brotteau, un prêtre inoffensif, le père Longuemar, une fille qu'ils avaient recueillie, Athénaïs Gorsu, et la citoyenne Rochemort, une intrigante, à la solde de l'Angleterre. Il délaisse même sa fiancée, et le dit, et il n'est pas jusqu'à l'amant de Julie, sa propre sœur, qu'il ne fasse garder en prison avant de le juger. Ce jour-là, le tribunal expédiait une partie de la grande conspiration des prisons. Une 30aine de conspirateurs du Luxembourg, captifs très soumis mais royalistes ou fédéralistes très prononcés. L'accusation reposait tout entière sur le témoignage d'un seul délateur. Les jurés ne savaient pas un mot de l'affaire. Ils ignoraient jusqu'au nom des conspirateurs. Gamelin, en jetant les yeux sur le banc des accusés, reconnut parmi eux Fortuné Chassagne. L'amant de Julie, amaigri par une longue captivité, pâle, les traits durcis par la lumière crue qui baignait la salle, gardait encore quelque grâce et quelque fierté. Ses regards rencontrèrent ceux de Gamelin et se chargèrent de mépris. Gamelin, possédé d'une fureur tranquille, se leva, demanda la parole, et les yeux fixés sur le buste de Brutus l'Ancien qui dominait le tribunal, « Citoyen président, dit-il, bien qu'il puisse exister entre un des accusés et moi des liens, qui, s'ils étaient déclarés, seraient des liens d'alliance, je déclare ne me point récuser. Les deux Brutus ne se récusèrent pas quand, pour le salut de la République ou la cause de la liberté, il leur fallut condamner un fils, frapper un père adoptif. » Il se rassit. « Voilà un beau scélérat, » murmura Chassagne entre ses dents. Le public restait froid. Soit qu'il fût enfin là des caractères sublimes, soit que Gamelin eût triomphé trop facilement des sentiments naturels. « Citoyen Gamelin, dit le président, au terme de la loi, toute récusation doit être formulée par écrit dans les 24 heures avant l'ouverture des débats. Au reste, tu n'as pas lieu de te récuser. Un juré patriote est au-dessus des passions. » Chaque accusé fut interrogé pendant 3 ou 4 minutes. Le réquisitoire conclut à la peine de mort pour tous. Les jurés la votèrent d'une parole, d'un signe de tête et par acclamation. Quand ce fut le tour de Gamelin d'opiner, « Tous les accusés sont convaincus, dit-il, et la loi est formelle. » Tandis qu'il descendait l'escalier du palais, un jeune homme, vêtu d'un carrick vert bouteille et qui semblait âgé de 17 ou 18 ans, l'arrêta brusquement au passage. Il portait un chapeau rond, rejeté en arrière et dont les bords faisaient à sa belle tête pâle une auréole noire. Dressé devant le juré, il lui cria, terrible de colère et de désespoir, « Scélérat, monstre, assassin, frappe-moi, lâche, je suis une femme, fais-moi arrêter, fais-moi guillotiner, Caïn, je suis ta sœur. » Et Julie lui cracha au visage. La foule des tricoteuses et des sans-culottes se relâchait alors de sa vigilance révolutionnaire. Son ardeur civique était bien attiédie. Il n'y eut autour de Gamelin et de son agresseur que des mouvements incertains et confus. Julie fendit l'attroupement et disparut dans le crépuscule. On n'en finissait pas avec la conspiration des prisons. 49 accusés remplissaient les gradins. Maurice Brotteau occupait la droite du plus haut degré, la place d'honneur. Il était vêtu de sa redingote puce qu'il avait soigneusement brossée la veille et reprisée à l'endroit de la poche que le petit Lucrèce, à la longue, avait usé. À son côté, la femme Rochemort, peinte, fardée, éclatante, horrible. On avait placé le père Longuemare entre elle et la fille Athénaïs, qui avait retrouvé aux Madelonnettes la fraîcheur de l'adolescence. Les gendarmes entassaient sur les gradins des gens que ceux-ci ne connaissaient pas et qui, peut-être, ne se connaissaient pas entre eux, tous complices. Cependant, parlementaires, journaliers, ci-devant nobles, bourgeois et bourgeoises. La citoyenne Rochemort aperçut Gamelin au banc des jurés. Bien qu'il n'eût pas répondu à ses lettres pressantes, à ses messages répétés, elle espéra en lui. Il lui envoya un regard suppliant et s'efforça d'être pour lui belle et touchante. Mais le regard froid du jeune magistrat lui ôta toute illusion. Le greffier lut l'acte d'accusation qui, bref, sur chacun des accusés, était long à cause de leur nombre. Il exposait à grands traits le complot urdi dans les prisons pour noyer la République dans le sang des représentants de la nation et du peuple de Paris, et, faisant la part de chacun, il disait « L'un des plus pernicieux auteurs de cette abominable conjuration est le nommé Brotteau, ci-devant Désilet, receveur des finances sous le tyran. Cet individu, qui se faisait remarquer même au temps de la tyrannie par sa conduite dissolue, est une preuve certaine que le libertinage et les mauvaises mœurs sont les plus grands ennemis de la liberté et du bonheur des peuples. En effet, après avoir dilapidé les finances publiques et épuisé en débauche une notable partie de la substance du peuple, cet individu s'associa avec son ancienne concubine, la femme Rochemort, pour correspondre avec les émigrés et informer traîtreusement la faction de l'étranger de l'état de nos finances, des mouvements de nos troupes, des fluctuations de l'opinion. Brotteau, qui à cette période de sa méprisable existence vivait en concubinage avec une prostituée qu'il avait ramassée dans la boue de la rue Fromenteau, la fille Athénaïs, la gagna facilement à ses desseins et l'employa à fomenter la contre-révolution par des cris impudents et des excitations indécentes. Quelques propos de cet homme néfaste vous indiqueront clairement ses idées abjectes et son but pernicieux. Parlant du tribunal patriotique appelé aujourd'hui à le châtier, il disait insolemment « Le tribunal révolutionnaire ressemble à une pièce de Guillaume Shakespeare qui mêle aux scènes les plus sanglantes les bouffonneries les plus triviales. Sans cesse, il préconisait l'athéisme comme le moyen le plus sûr d'avilir le peuple et de le rejeter dans l'immoralité. Dans la prison de la conciergerie, où il était détenu, il déplorait à l'égal des pires calamités les victoires de nos vaillantes armées et s'efforçait de jeter la suspicion sur les généraux les plus patriotes en leur prêtant des desseins tyrannicides. « Attendez-vous, disait-il, dans un langage atroce que la plume hésite à reproduire, attendez-vous à ce que, un jour, un de ces porteurs d'épée, à qui vous devez votre salut, vous avale tous comme la grue de la fable avala les grenouilles. » Et l'acte d'accusation poursuivait de la sorte. La femme Rochemort, ci-devant noble, concubine de Brotteau, n'est point moins coupable que lui. Non seulement, elle correspondait avec l'étranger et était stipendiée par Pitt lui-même, mais, associée à des hommes corrompus tels que Julien de Toulouse et Chabot, en relation avec le ci-devant baron de Batz, elle inventait de concert avec ce scélérat toutes sortes de machinations pour faire baisser les actions de la Compagnie des Indes, les acheter à vil prix et en relever le cours par des machinations opposées aux premières, frustrant ainsi la fortune privée et la fortune publique. Incarcérée à la Bourbe et aux Madelonnettes, elle n'a pas cessé de conspirer dans sa prison, d'agioter et de se livrer à des tentatives de corruption à l'égard des juges et des jurés. Louis Longuemare, ex-noble, ex-capucin, s'était depuis longtemps essayé à l'infamie et au crime avant d'accomplir les actes de trahison dont il a à répondre ici. Vivant dans une honteuse promiscuité avec la fille Gorsut, dite Athénaïs, sous le toit même de Brotteau, il est le complice de cette fille et de ce ci-devant noble. Durant sa captivité à la conciergerie, il n'a pas cessé un seul jour d'écrire des libelles attentatoires à la liberté et à la paix publique. Il est juste de dire, à propos de Marthe Gorsut, dit Athénaïs, que les filles prostituées sont le plus grand fléau des mœurs publiques, auxquelles elles insultent, et l'opprobre de la société qu'elles flétrissent. Mais à quoi bon s'étendre sur des crimes répugnants que l'accusé avoue sans pudeur? L'accusation passait ensuite en revue les 54 autres prévenus, que ni Brotteau, ni le père Longuemare, ni la citoyenne Rochemort ne connaissaient, sinon pour en avoir vu plusieurs dans les prisons, et qui était enveloppé avec les premiers dans cette conjuration exécrable dont les annales des peuples ne fournissent point d'exemple. L'accusation concluait à la peine de mort pour tous les inculpés. Brotteau fut interrogé le premier. Tu as conspiré ? Non, je n'ai pas conspiré. Tout est faux dans l'acte d'accusation que je viens d'entendre. Tu vois ? Tu conspires encore en ce moment contre le tribunal. Et le président passa à la femme Rochemort, qui répondit par des protestations désespérées, des larmes et des arguties. Le père Longuemare s'en remettait entièrement à la volonté de Dieu. Il n'avait pas même apporté sa défense écrite. À toutes les questions qui lui furent posées, il répondit avec un esprit de renoncement. Toutefois, quand le président le traita de capucin, le vieil homme, en lui, se ranima. « Je ne suis pas capucin, dit-il. Je suis prêtre et religieux de l'ordre des Barnabites. C'est la même chose, répliqua le président avec bonhomie. Le père Longuemare le regarda indigné. « On ne peut concevoir d'erreur plus étrange, fit-il, que de confondre avec un capucin un religieux de cet ordre des Barnabites qui tient ses constitutions de l'apôtre Saint Paul lui-même. » Les éclats de rire et les huées éclatèrent dans l'assistance. Et le père Longuemare, prenant ses moqueries pour des signes de dénégation, proclamait qu'il mourrait membre de cet ordre de Saint Barnabé dont il portait l'habit dans son cœur. « Reconnais-tu, demanda le président, avoir conspiré avec la fille Gorsut, dite Athénaïs, qui t'accordait ses méprisables faveurs ?» À cette question, le père Longuemare leva vers le ciel un regard douloureux et répondit par un silence qui exprimait la surprise d'une âme candide et la gravité d'un religieux qui craint de prononcer de vaines paroles. « Fille Gorsut, demanda le président à la jeune Athénaïs, reconnais-tu avoir conspiré avec Brotteau ?» Elle répondit doucement, « Monsieur Brotteau, à ma connaissance, n'a fait que du bien. C'est un homme, comme il en faudrait beaucoup, et comme il n'y a pas meilleur. Ceux qui disent le contraire se trompent. C'est tout ce que j'ai à dire. » Le président lui demanda si elle reconnaissait avoir vécu en concubinage avec Brotteau. Il fallut lui expliquer ce terme qu'elle n'entendait pas. Mais dès qu'elle eut compris de quoi il s'agissait, elle répondit qu'il n'aurait tenu qu'à lui, mais qu'il ne le lui avait pas demandé. On rit dans les tribunes, et le président menaça la fille Gorsut de la mettre hors des débats si elle répondait encore avec un tel cynisme. Alors, elle appela Cafard, Face de Carême, Cornard, et vomit sur lui, sur les juges et sur les jurés des potées d'injures, jusqu'à ce que les gendarmes l'eussent tiré de son banc et emmené hors de la salle. Le président interrogea ensuite brièvement les autres accusés dans l'ordre où ils étaient placés sur les gradins. Un nommé Navette répondit qu'il n'avait pu conspirer dans une prison où il n'avait séjourné que 4 jours. Le président fit cette observation que la réponse était à considérer et qu'il priait les citoyens jurés d'en tenir compte. Un certain Bélier répondit de même et le président adressa en sa faveur la même observation au jury. On interpréta cette bienveillance du juge comme l'effet d'une louable équité ou comme un salaire dû à la délation. Le substitut de l'accusateur public prit la parole. Il ne fit qu'amplifier l'acte d'accusation et posa ses questions. Est-il constant que Maurice Brotteau, Louise Rochemort, Louis Longuemare, Marthe Gorsut, dite Athénaïs, Eusèbe Rocher, Pierre Guiton Fabulet, Marceline Descourtis, etc., ont formé une conjuration dont les moyens sont l'assassinat, la famine, la fabrication de faux assignats et de fausses monnaies, la dépravation de la morale et de l'esprit public, le soulèvement des prisons, le but, la guerre civile, la dissolution de la représentation nationale, le rétablissement de la royauté ? Les jurés se retirèrent dans la chambre de délibération. Ils se prononcèrent à l'unanimité pour l'affirmative en ce qui concernait tous les accusés, à l'exception des dénommés Navette et Bélier, que le président et après lui l'accusateur public avaient mis en quelque sorte hors de cause. Gamelin motiva son verdict. En ces termes, la culpabilité des accusés crève les yeux, leur châtiment importe au salut de la nation, et ils doivent eux-mêmes souhaiter leur supplice comme le seul moyen d'expier leur crime. Le président prononça la sentence en l'absence de ceux qu'elle concernait. Dans ces grandes journées, contrairement à ce qu'exigeait la loi, on ne rappelait pas les condamnés pour leur dire leur arrêt, sans doute parce qu'on craignait le désespoir d'un si grand nombre de personnes. Vaine crainte, tant la soumission des victimes était alors grande et générale. Le greffier descendit lire le verdict, qui fut entendu dans ce silence et cette tranquillité qui faisait comparer les condamnés de Prairial à des arbres mis en coupe. La citoyenne Rochemort se déclara enceinte. Un chirurgien, qui était en même temps juré, fut commis pour la visiter. On la porta évanouie dans son cachot. « Ah !» soupira le père Longuemare. Ces juges sont des hommes bien dignes de pitié. L'état de leur âme est vraiment déplorable. Ils brouillent tout et confondent un Barnabite avec un Franciscain. L'exécution devait avoir lieu le jour même, à la barrière du trône renversé. Les condamnés, la toilette faite, les cheveux coupés, la chemise échancrée, attendirent le bourreau, parqué comme un bétail dans la petite salle séparée du greffe par une cloison vitrée. À l'arrivée de l'exécuteur et de ses valets, Brotteau, qui disait tranquillement son Lucrèce, mit le signet à la page commencée, ferma le livre, le fourra dans la poche de sardingote et dit au Barnabite « Mon révérend père, ce dont j'enrage, c'est que je ne vous persuaderai pas. Nous allons dormir tous deux notre dernier sommeil et je ne pourrai pas vous tirer par la manche et vous réveiller pour vous dire « Vous voyez, vous n'avez plus ni sentiment ni connaissance. Vous êtes inanimé. Ce qui suit la vie est comme ce qui la précède. » Il voulut sourire, mais une atroce douleur lui saisit le cœur et les entrailles, et il fut près de défaillir. Il reprit toutefois, « Mon père, je vous laisse voir ma faiblesse. J'aime la vie, et ne la quitte point sans regret. Monsieur, répondit le moine avec douceur, prenez garde que vous êtes plus brave que moi, et que pourtant la mort vous trouble davantage. Que veut dire cela ? Sinon que je vois la lumière que vous ne voyez pas encore. Ce pourrait être aussi, dit Brotteau, que je regrette la vie parce que j'en ai mieux joui que vous, qu'il avait rendu aussi semblable que possible à la mort. Monsieur, dit le père Longuemare en pâlissant, cette heure est grave. Que Dieu m'assiste. Il est certain que nous mourrons sans secours. Il faut que j'aie jadis reçu les sacrements avec tiédeur et d'un cœur ingrat pour que le ciel me les refuse aujourd'hui. Que j'en ai un si pressant besoin. » Les charrettes attendaient. On y entassa les condamnés, les mains liées. La femme Rochemort, dont la grossesse n'avait pas été reconnue par le chirurgien, fut hissée dans un des tombereaux. Elle retrouva un peu de son énergie pour observer la foule des spectateurs, espérant contre toute espérance y rencontrer des sauveurs. Ses yeux imploraient. L'affluence était moindre qu'autrefois et les mouvements des esprits moins violents. Quelques femmes seulement criaient « à mort » ou raillaient ceux qui allaient mourir. Les hommes haussaient les épaules, détournaient la tête et se taisaient, soit par prudence, soit par respect des lois. Il y eut un frisson dans la foule quand Athénaïs passa le guichet. Elle avait l'air d'un enfant. Elle s'inclina devant le religieux. « Monsieur le curé, lui dit-elle, donnez-moi l'absolution. » Le père Longuemare murmura gravement les paroles sacramentelles et dit « Ma fille, vous êtes tombée dans de grands désordres, mais que ne puis-je présenter au Seigneur un cœur aussi simple que le vôtre ?» Elle monta légère dans la charrette, et là, le buste droit, sa tête d'enfant fièrement dressée, elle s'écria « Vive le roi !» Elle fit un petit signe à Brotteau pour lui montrer qu'il y avait de la place à côté d'elle. Brotteau aida le Barnabite à monter et vint se placer entre le religieux et l'innocente fille. « Monsieur, dit le père Longuemare au philosophe épicurien, je vous demande une grâce. Ce Dieu auquel vous ne croyez pas encore, priez-le pour moi. Il n'est pas sûr que vous ne soyez pas plus près de lui que je ne le suis moi-même. Un moment en peut décider. Pour que vous deveniez l'enfant privilégié du Seigneur, il ne faut qu'une seconde. Monsieur, priez pour moi. » Tandis que les roues tournaient en grinçant sur le pavé du long faubourg, le religieux récitait du cœur et des lèvres les prières des agonisants. Brotteau se remémorait les vers du poète de la nature, Sic ubi non erimus. Tout lié qu'il était et secoué dans l'infâme charrette, il garnait une attitude tranquille et comme un souci de ses aises. À son côté, Athénaïs, fière de mourir ainsi que la reine de France, jetait sur la foule un regard hautain. Et le vieux traitant, contemplant en connaisseur la gorge blanche de la jeune femme, regrettait la lumière du jour. Pendant que les charrettes roulaient, entourées de gendarmes, vers la place du trône renversé, menant à la mort Brotteau et ses complices, Évariste était assis, pensif, sur un banc du jardin des Tuileries. Il attendait Élodie. Le soleil, penchant à l'horizon, criblait de ses flèches enflammées les marronniers touffus. À la grille du jardin, la renommée, sur son cheval ailé, embouchait sa trompette éternelle. Les porteurs de journaux criaient la grande victoire de Fleurus. Oui, songeait Gamelin, la victoire est à nous. Nous y avons mis le prix. Il voyait les nouveaux généraux traîner leurs ombres condamnées dans la poussière sanglante de cette place de la Révolution où ils avaient péri. Et il sourit fièrement, songeant que, sans les sévérités dont il avait eu sa part, les chevaux autrichiens mordraient aujourd'hui l'écorce de ses arbres. Comme il songeait ainsi, Élodie accourut à lui parler des fêtes. « Évariste, qu'as-tu à me dire ? Pourquoi ne pas venir à l'amour peintre dans la chambre bleue? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Pour te dire un éternel adieu, elle murmura qu'il était insensé, qu'elle ne pouvait comprendre. Il l'arrêta d'un très petit geste de la main. Élodie, je ne puis plus accepter ton amour. Tais-toi, Évariste, tais-toi. Elle le pria d'aller plus loin. Là, on les observait, on les écoutait. Il fit une vingtaine de pas et poursuivit très calme. J'ai fait à ma patrie le sacrifice de ma vie et de mon honneur. Je mourrai infâme et n'aurai à te léguer, malheureuse, qu'une mémoire exécrée. Nous aimer. Est-ce que l'on peut m'aimer encore? Est-ce que je puis aimer? Elle lui dit qu'il était fou, qu'elle l'aimait, qu'elle l'aimerait toujours. Elle fut ardente, sincère, mais elle sentait aussi bien que lui, elle sentait mieux que lui qu'il avait raison. Et elle se débattait contre l'évidence. Il reprit, « Je ne me reproche rien, ce que j'ai fait, je le ferai encore. Je me suis fait anathème pour la patrie. Je suis maudit. Je me suis mis hors l'humanité, je n'y rentrerai jamais. Non, la grande tâche n'est pas finie. Ah, la clémence, le pardon. Les traîtres pardonnent-ils? Les conspirateurs sont-ils cléments? Les scélérats parricides croissent sans cesse en nombre. Il en sort de dessous terre, il en accourt de toutes nos frontières, de jeunes hommes qui eussent mieux péri dans nos armées, des vieillards, des enfants, des femmes avec les masques de l'innocence, de la pureté, de la grâce. Et quand on les a immolés, on en trouve davantage. Tu vois bien qu'il faut que je renonce à l'amour, à toute joie, à toute douceur de la vie. À la vie même. Il se tut. Faite pour goûter de paisibles jouissances, Élodie, depuis plus d'un jour, s'effraya de mêler sous les baisers d'un amant tragique aux impressions voluptueuses des images sanglantes. Elle ne répondait rien. Évariste but comme un calice amer le silence de la jeune femme. Tu le vois bien, Élodie. Nous sommes précipités. Notre œuvre nous dévore. Nos jours, nos heures sont des années. J'aurai bientôt vécu un siècle. Vois ce front. Est-il d'un amant? Aimé. Évariste, tu es à moi, je te garde. Je ne te rends pas ta liberté. Elle s'exprimait avec l'accent du sacrifice. Il le sentit. Elle le sentit elle-même. Élodie, pourras-tu attester un jour que je vécus fidèle à mon devoir, que mon cœur fut droit et mon âme pure, que je n'eus d'autre passion que le bien public, que j'étais né sensible et tendre? Diras-tu, il fit son devoir? Mais non, tu ne le diras pas. Et je ne te demande pas de le dire. Périsse ma mémoire, ma gloire est dans mon cœur, la honte m'environne. Si tu m'aimas, garde sur mon nom un éternel silence. Un enfant de 8 ou 9 ans, qui jouait au cerceau, se jeta en ce moment dans les jambes de Gamelin. Celui-ci l'éleva brusquement dans ses bras. Enfant, tu grandiras libre, heureux. Et tu le devras à l'infâme Gamelin. Je suis atroce pour que tu sois heureux. Je suis cruel pour que tu sois bon. Je suis impitoyable pour que demain tous les Français s'embrassent en versant des larmes de joie. Il le pressa contre sa poitrine. Petit enfant, quand tu seras un homme, tu me devras ton bonheur, ton innocence. Et si jamais tu entends prononcer mon nom, tu l'exécreras. Et il posa à terre l'enfant, qui s'alla jeter épouvanté dans les jupes de sa mère accourue pour le délivrer. Cette jeune mère, qui était jolie et d'une grâce aristocratique dans sa robe de linon blanc, emmena son petit garçon avec un air de hauteur. Gamelin tourna vers Élodie un regard farouche. « J'ai embrassé cet enfant. Peut-être ferai-je guillotiner sa mère. » Et il s'éloigna à grands pas, sous les quinconces. Élodie resta un moment immobile, le regard fixe et baissé. Puis tout à coup, elle s'élança sur les pas de son amant, et furieuse, échevelée, telle qu'une ménade, elle le saisit comme pour le déchirer, et lui cria d'une voix étranglée de sang et de larmes, « Eh bien, moi aussi, mon bien-aimé, envoie-moi à la guillotine, moi aussi, fais-moi trancher la tête !» Et à l'idée du couteau sur sa nuque, toute sa chair se fondait d'horreur et de volupté. Tu dors, Robespierre, l'heure passe, le temps précieux coule. Enfin, le 8 Thermidor, à la Convention, l'incorruptible se lève et va parler. Soleil du 31 mai, te lèves-tu une seconde fois? Gamelin attend, espère. Robespierre va donc arracher des bancs qu'il déshonore, ces législateurs plus coupables que les fédéralistes, plus dangereux que Danton. Non, pas encore. Je ne puis, dit-il, me résoudre à déchirer entièrement le voile qui recouvre ce profond mystère d'iniquité. Et la foudre éparpillée sans frapper aucun des conjurés les effraie tous. On en comptait 60 qui, depuis 15 jours, n'osaient coucher dans leur lit. Marat nommait les traîtres, lui, il les montrait du doigt. L'incorruptible hésite, et dès lors, c'est lui l'accusé. Le soir, aux Jacobins, on s'étouffe dans la salle, dans les couloirs, dans la cour. Ils sont là tous, les amis bruyants et les ennemis muets. Robespierre leur lit ce discours que la Convention a entendu dans un silence affreux et que les Jacobins couvrent d'applaudissements émus. C'est mon testament de mort, dit l'homme. Vous me verrez boire la ciguë avec calme. Je la boirai avec toi, répond David. Tous, tous, s'écrient les Jacobins qui se séparent sans rien décider. Évariste, pendant que se préparait la mort du juste, dormit du sommeil des disciples au jardin des Oliviers. Le lendemain, il se rendit au tribunal, où deux sections siégeaient. Celle dont il faisait partie jugeait 21 complices de la conspiration de Lazare, et pendant ce temps arrivaient les nouvelles. La Convention, après une séance de 6 heures, a décrété d'accusation Maximilien Robespierre, Couthon, Saint-Just, avec Augustin Robespierre et Lebas qui ont demandé à partager le sort des accusés. Les 5 proscrits sont descendus à la barre. On apprend que le président de la section, qui fonctionne dans la salle voisine, le citoyen Dumas, a été arrêté sur son siège, mais que l'audience continue. On entend battre la générale et sonner le tocsin. Évariste, à son banc, reçoit de la commune l'ordre de se rendre à l'hôtel de ville pour siéger au conseil général. Au son des cloches et des tambours, il rend son verdict avec ses collègues et court chez lui embrasser sa mère et prendre son écharpe. La place de Thionville est déserte. La section n'ose se prononcer ni pour ni contre la convention. On rase les murs, on se coule dans les allées, on rentre chez soi. À l'appel du tocsin et de la générale, répondent les bruits des volets qui se rabattent et des serrures qui se ferment. Le citoyen Dupont aîné s'est caché dans sa boutique. Le portier Remacle se barricade dans sa loge. La petite Joséphine retient craintivement Mouton dans ses bras. La citoyenne veuve Gamelin gémit de la cherté des vivres, cause de tout le mal. Au pied de l'escalier, Évariste rencontre Élodie essoufflée, ses mèches noires collées sur son cou moite. Je t'ai cherché au tribunal. Tu venais de partir. Où vas-tu? À l'hôtel de ville. N'y va pas, tu te perdrais. Henriot est arrêté. Les sections ne marcheront pas. La section des Pics, la section de Robespierre reste tranquille. Je le sais, mon père en fait partie. Si tu vas à l'hôtel de ville, tu te perds inutilement. Tu veux que je sois lâche? Il est courageux, au contraire, d'être fidèle à la Convention et d'obéir à la loi. La loi est morte quand les scélérats triomphent. Évariste, écoute ton Élodie, écoute ta sœur, viens t'asseoir près d'elle pour qu'elle apaise ton âme irritée. Il la regarda. Jamais elle ne lui avait paru si désirable. Jamais cette voix n'avait sonné à ses oreilles si voluptueuse et si persuasive. Deux pas seulement, mon ami. Elle l'entraîna vers le terre-plein qui portait le piédestal de la statue renversée. Des bancs faisaient le tour, garnis de promeneurs et de promeneuses. Une marchande de frivolité offrait ses dentelles. La marchande de tisane, portant sur son dos sa fontaine, agitait sa sonnette. Des fillettes jouaient aux grâces. Sur la berge, des pêcheurs se tenaient immobiles, leurs lignes à la main. Le temps était orageux, le ciel voilé. Gamelin, penché sur le parapet, plongeait ses regards sur l'île pointue comme une proue, écoutait gémir au vent la cime des arbres, et sentait entrer dans son âme un désir infini de paix et de solitude. Et comme un écho délicieux de sa pensée, la voix d'Élodie soupira. Te souviens-tu, quand, à la vue des champs, tu désirais être juge de paix dans un petit village? Ce serait le bonheur. Mais, à travers le bruissement des arbres et la voix de la femme, il entendait le tocsin, la générale, le fracas lointain des chevaux et des canons sur le pavé. À deux pas de lui, un jeune homme qui causait avec une citoyenne élégante dit « Connaissez-vous la nouvelle? L'opéra est installé rue de la Loi. » Cependant, on savait, on chuchotait le nom de Robespierre, mais en tremblant, car on le craignait encore, et les femmes, au bruit murmuré de sa chute, dissimulaient un sourire. Évariste Gamelin saisit la manche d'Élodie et aussitôt la rejeta brusquement. « Adieu, je t'ai associé à mes destins affreux, j'ai flétri à jamais ta vie, adieu, puisses-tu m'oublier ?»« Surtout, lui dit-elle, ne rentre pas chez toi cette nuit, viens à l'amour peintre, ne sonne pas, jette une pierre contre mes volets, j'irai t'ouvrir moi-même la porte, je te cacherai dans le grenier. Tu me reverras triomphant ou tu ne me reverras plus, adieu !» En approchant de l'hôtel de ville, il entendit monter vers le ciel lourd la rumeur des grands jours. Sur la place de Grève, un tumulte d'armes, un flamboiement d'écharpes et d'uniformes, les canons d'Henriot en batterie. Il gravit l'escalier d'honneur et, en entrant dans la salle du conseil, signe la feuille de présence. Le conseil général de la commune, à l'unanimité des 491 membres présents, se déclare pour les proscrits. Le maire se fait apporter la table des droits de l'homme, lit l'article où il est dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus saint et le plus indispensable des devoirs. » Et le premier magistrat de Paris déclare qu'au coup d'état de la Convention, la commune oppose l'insurrection populaire. Les membres du conseil général font serment de mourir à leur poste. Deux officiers municipaux sont chargés de se rendre sur la place de Grève et d'inviter le peuple à se joindre à ces magistrats afin de sauver la patrie et la liberté. On se cherche, on échange des nouvelles, on donne des avis. Parmi ces magistrats, peu d'artisans. La commune réunie là est telle que la fête l'épuration jacobine. Des juges et des jurés du tribunal révolutionnaire, des artistes comme Beauvalet et Gamelin, des rentiers et des professeurs, des bourgeois cossus, de gros commerçants, des têtes poudrées, des ventres à breloques, peu de sabots, de pantalons, de Carmagnole, de Bonnet Rouge. Ces bourgeois sont nombreux, résolus, mais quand on y songe, c'est à peu près tout ce que Paris compte de vrais républicains. Debout, dans la maison de ville, comme sur le rocher de la liberté, un océan d'indifférence les environne. Pourtant, des nouvelles favorables arrivent. Toutes les prisons où les proscrits ont été enfermés ouvrent leurs portes et rendent leur proie. Augustin Robespierre, venu de la force, entre le premier à l'hôtel de ville et est acclamé. On apprend à 8 heures que Maximilien, après avoir longtemps résisté, se rend à la commune. On l'attend, il va venir, il vient. Une acclamation formidable ébranle les voûtes du vieux palais municipal. Il entre, porté par 20 bras. Cet homme mince, propre, en habit bleu, en culotte jaune, c'est lui. Il siège, il parle. À son arrivée, le conseil ordonne que la façade de la maison commune sera sur le champ illuminée. En lui, la République réside. Il parle. Il parle d'une voix grêle, avec élégance. Il parle purement, abondamment. Ceux qui sont là, qui ont joué leur vie sur sa tête, s'aperçoivent épouvantés que c'est un homme de parole, un homme de comité, de tribune, incapable d'une résolution prompte et d'un acte révolutionnaire. On l'entraîne dans la salle des délibérations. Maintenant, ils sont là tous, ces illustres proscrits. Lebas, Saint-Just, Couthon. Robespierre parle. Il est 00h30, il parle encore. Cependant, Gamelin, dans la salle du conseil, le front collé à une fenêtre, regarde d'un œil anxieux. Il voit fumer les lampions dans la nuit sombre. Les canons de Henriot sont en batterie devant la maison de ville. Sur la place toute noire s'agite une foule incertaine, inquiète. À 00h30, des torches débouchent au coin de la rue de la Vannerie, entourant un délégué de la Convention qui, revêtu de ses insignes, déploie un papier et lit, dans une rouge lueur, le décret de la Convention, la mise hors la loi des membres de la commune insurgée, des membres du Conseil général qui l'assistent et des citoyens qui répondraient à son appel. La mise hors la loi, la mort sans jugement. La seule idée en fait pâlir les plus déterminés. Gamelin sent son front se glacer. Il regarde la foule quitter à grands pas la place de grève. Et, quand il tourne la tête, ses yeux voient que la salle où les conseillers s'étouffaient tout à l'heure est presque vide. Mais ils ont fui en vain. Ils avaient signé. Il est 2 heures, l'incorruptible délibère dans la salle voisine avec la commune et les représentants proscrits. Gamelin plonge ses regards désespérés sur la place noire. Il voit, à la clarté des lanternes, les chandelles de bois s'entrechoquer sur l'auvent de l'épicier avec un bruit de quilles. Les réverbères se balancent et vacillent. Un grand vent s'est élevé. Un instant après, une pluie d'orage tombe. La place se vide entièrement. Ceux que n'avait pas chassé le terrible décret, quelques gouttes d'eau les dispersent. Les canons d'Henriot sont abandonnés. Et quand on voit, à la lueur des éclairs, déboucher en même temps par la rue Antoine et par le quai les troupes de la Convention, les abords de la maison commune sont déserts. Enfin, Maximilien s'est décidé à faire appel du décret de la Convention à la section des piques. Le Conseil général se fait apporter des sabres, des pistolets, des fusils. Mais un fracas d'armes, de pailles et de vitres brisées emplit la maison. Les troupes de la Convention passent comme une avalanche à travers la salle des délibérations et s'engouffrent dans la salle du Conseil. Un coup de feu retentit, Gamelin voit Robespierre tomber la mâchoire fracassée. Lui-même, il saisit son couteau, le couteau de 6 sous qui, un jour de famine, avait coupé du pain pour une mère indigente et que, dans la ferme d'Orangis, par un beau soir, Élodie avait gardé sur ses genoux en tirant les gages. Il l'ouvre, veut l'enfoncer dans son cœur, la lame rencontre une côte et se replie sur la virole qui a cédé et il s'entame 2 doigts. Gamelin tombe ensanglanté, il est sans mouvement, mais il souffre d'un froid cruel. Et dans le tumulte d'une lutte effroyable, foulé aux pieds, il entend distinctement la voix du jeune dragon Henri qui s'écrie « Le tyran n'est plus! Ses satellites sont brisés! La révolution va reprendre son cours majestueuse et terrible !» Gamelin s'évanouit. À 7 heures du matin, un chirurgien envoyé par la Convention le pansa. La Convention était pleine de sollicitudes pour les complices de Robespierre. Elle ne voulait pas qu'aucun d'eux échappât à la guillotine. L'artiste peintre, ex-juré, ex-membre du Conseil général de la Commune, fut porté sur une civière à la conciergerie. Le 10, tandis que sur le grabat d'un cachot, Évariste, après un sommeil de fièvre, se réveillait en sursaut dans une indicible horreur, Paris, en sa grâce et son immensité, souriait au soleil. L'espérance renaissait au cœur des prisonniers. Les marchands ouvraient allègrement leurs boutiques. Les bourgeois se sentaient plus riches, les jeunes hommes plus heureux, les femmes plus belles, par la chute de Robespierre. Seule une poignée de jacobins, quelques prêtres constitutionnels et quelques vieilles femmes tremblaient de voir l'Empire passer aux méchants et aux corrompus. Une délégation du tribunal révolutionnaire, composée de l'accusateur public et de 2 juges, se rendait à la Convention pour la féliciter d'avoir arrêté les complots. L'Assemblée décidait que l'échafaud serait dressé de nouveau sur la place de la Révolution. On voulait que les riches, les élégants, les jolies femmes, pussent voir sans se déranger le supplice de Robespierre qui aurait lieu le jour même. Le dictateur et ses complices étaient hors la loi. Il suffisait que leur identité fût constatée par deux officiers municipaux pour que le tribunal les livrât immédiatement à l'exécuteur. Mais une difficulté surgissait. Les constatations ne pouvaient être faites dans les formes, la commune étant tout entière hors la loi. L'Assemblée autorisa le tribunal à faire constater l'identité par des témoins ordinaires. Les triumvirs furent traînés à la mort avec leurs principaux complices au milieu des cris de joie et de fureur, des imprécations, des rires, des danses. Le lendemain, Évariste, qui avait repris quelques forces et pouvait presque se tenir sur ses jambes, fut tiré de son cachot, amené au tribunal et placé sur l'estrade qu'il avait tant de fois vu charger l'accusé, où s'étaient assises tour à tour tant de victimes illustres ou obscures. Elle gémissait maintenant sous le poids de 70 individus, la plupart membres de la commune, et quelques-uns jurés comme Gamelin, mis comme lui hors la loi. Il revit son banc, le dossier sur lequel il avait coutume de s'appuyer, la place d'où il avait terrorisé des malheureux, la place où lui avait fallu subir le regard de Jacques Maubel, de Fortuné Chassagne, de Maurice Brotteau, les yeux suppliants de la citoyenne Rochemort, qu'il avait fait nommer juré et qu'il en avait récompensé par un verdict de mort. Il revit, dominant l'estrade où les juges siégeaient sur trois fauteuils d'acajou garnis de velours du Trec Rouge, les bustes de Chalier et de Marat et ce buste de Brutus qu'il avait un jour attesté. Rien n'était changé, ni les haches, les faisceaux, les bonnets rouges, du papier de tenture, ni les outrages jetés par les tricoteuses des tribunes à ceux qui allaient mourir, ni l'âme de Fouquier-Tinville, têtu, laborieux, remuant avec zèle ses papiers homicides et envoyant magistrats accomplis ses amis de la veille à l'échafaud. Les citoyens Remacle, Portier-Tailleur et Dupont-Aîné, menuisier, place de Thionville, membre du comité de surveillance de la section du Pont-Neuf, reconnurent Gamelin, Évariste, artiste-peintre, ex-juré, au tribunal révolutionnaire, ex-membre du conseil général de la commune. Ils témoignaient pour un assignat de 100 sols, aux frais de la section, mais parce qu'ils avaient eu des rapports de voisinage et d'amitié avec le proscrit, ils éprouvaient de la gêne à rencontrer son regard. Au reste, il faisait chaud, ils avaient soif et étaient pressés d'aller boire un verre de vin. Gamelin fit effort pour monter dans la charrette. Il avait perdu beaucoup de sang et sa blessure le faisait cruellement souffrir. Le cocher fouetta sa haridelle et le cortège se mit en marche au milieu des huées. Des femmes qui reconnaissaient Gamelin lui criaient « Va donc, buveur de sang, assassin à 18 francs par jour, il ne rit plus, voyez comme il est pâle, le lâche !» C'étaient les mêmes femmes qui insultaient naguère les conspirateurs et les aristocrates, les exagérés et les indulgents envoyés par Gamelin et ses collègues à la guillotine. La charrette tourna sur le quai des Morts-Fondus, gagna lentement le Pont-Neuf et la rue de la Monnaie. On allait à la place de la Révolution, à l'échafaud de Robespierre. Le cheval boitait. À tout moment, le cocher lui fleurait du fouet les oreilles. La foule des spectateurs, joyeuse, animée, retardait la marche de l'escorte. Le public félicitait les gendarmes qui retenaient leurs chevaux. Au coin de la rue Honoré, les insultes redoublèrent. Des jeunes gens, attablés à l'entresol dans les salons des traiteurs à la mode, se mirent aux fenêtres, leurs serviettes à la main et s'écrièrent « Cannibales, anthropophages, vampires !» La charrette ayant buté dans un tas d'ordures qu'on n'avait pas enlevé en ces deux jours de trouble, la jeunesse dorée éclata de joie. « Le char embourbé, dans la gadoue, les Jacobins !» Gamelin songeait, et il crut comprendre. « Je meurs justement, pensa-t-il. » Il est juste que nous recevions ces outrages jetés à la République et dont nous aurions dû la défendre. Nous avons été faibles. Nous nous sommes rendus coupables d'indulgence. Nous avons trahi la République. Nous avons mérité notre sort. Robespierre lui-même, le pur, le saint, a péché par douceur, par mansuétude. Ses fautes sont effacées par son martyr. À son exemple, j'ai trahi la République. Elle périt. Il est juste que je meure avec elle. J'ai épargné le sang, que mon sang coule, que je périsse. Je l'ai mérité. Tandis qu'il songeait ainsi, il aperçut l'enseigne de l'amour peintre. Et des torrents d'amertume et de douceur roulèrent en tumulte dans son cœur. Le magasin était fermé, les jalousies des trois fenêtres de l'entresol entièrement rabattues. Quand la charrette passa devant la fenêtre de gauche, la fenêtre de la chambre bleue, une main de femme qui portait à l'annulaire une bague d'argent écarta le bord de la jalousie et lança vers Gamelin un œillet rouge que ses mains liées ne purent saisir, mais qu'il adora comme le symbole et l'image de ses lèvres rouges et parfumées dont s'était rafraîchie sa bouche. Ses yeux se gonflèrent de larmes, et ce fut tout pénétré du charme de cet adieu qu'il vit se lever sur la place de la Révolution, le couteau ensanglanté. La Seine charriait les glaces de Nivose. Les bassins des Tuileries, les ruisseaux, les fontaines étaient gelés. Le vent du nord soulevait dans les rues des ondes de frimas. Les chevaux expiraient par leurs naseaux une vapeur blanche. Les citadins regardaient en passant le thermomètre à la porte des opticiens. Un commis essuyait la buée sur les vitres de l'amour-peintre et les curieux jetaient un regard sur les estampes à la mode. Robespierre pressant au-dessus d'une coupe un cœur comme un citron pour en boire le sang et de grandes pièces allégoriques telles que la tigrocratie de Robespierre, ce n'était qu'hydre, serpent, monstres affreux déchaînés sur la France par le tyran. Et l'on voyait encore l'horrible conspiration de Robespierre, l'arrestation de Robespierre, la mort de Robespierre. Ce jour-là, après le dîner de midi, Philippe de Mailly entra son carton sous le bras à l'amour-peintre et apporta au citoyen Jean Blaise une planche qu'il venait de graver au pointillé, le suicide de Robespierre. Le burin picaresque du graveur avait fait Robespierre aussi deux possibles. Le peuple français n'était pas encore saoul de tous ces monuments qui consacraient l'opprobre et l'horreur de cet homme chargé de tous les crimes de la Révolution. Pourtant, le marchand d'estampes qui connaissait le public avertit de Mailly qu'il lui donnerait désormais à graver des sujets militaires. Il va nous falloir des victoires et conquêtes, des sabres, des panaches, des généraux. Nous sommes partis pour la gloire, je sens cela, moi. Mon cœur bat au récit des exploits de nos vaillantes armées, et quand j'éprouve un sentiment, il est rare que tout le monde ne l'éprouve pas en même temps. Ce qu'il nous faut, ce sont des guerriers et des femmes, Mars et Vénus. Citoyen Blaise, j'ai encore chez moi deux ou trois dessins de Gamelin que vous m'avez donné à graver. Est-ce pressé ? Nullement. Ah, à propos de Gamelin, hier, en passant sur le boulevard du Temple, j'ai vu chez un brocanteur qui a son échoppe vis-à-vis la maison de Beaumarchais, toute l'étoile de ce malheureux. Il y avait là son Oreste et Electre. La tête de l'Oreste, qui ressemble à Gamelin, est vraiment belle, je vous assure. La tête et le bras sont superbes. Le brocanteur m'a dit qu'il n'était pas embarrassé de vendre ses toiles à des artistes qui peindront dessus. Ce pauvre Gamelin. Il aurait eu peut-être un talent de premier ordre s'il n'avait pas fait de politique. Il avait l'âme d'un criminel, répliqua le citoyen Blaise. Je l'ai démasqué, à cette place même, alors que ses instincts sanguinaires étaient encore contenus. Il ne me l'a jamais pardonné. Oh! C'était une belle canaille. Le pauvre garçon, il était sincère. Ce sont les fanatiques qui l'ont perdu. Vous ne le défendez pas, je pense, de Mailly. Il n'est pas défendable. Non, citoyen Blaise, il n'est pas défendable. Et le citoyen Blaise, tapant sur l'épaule du beau de Mailly, les temps sont changés. On peut vous appeler Barbaroux maintenant que la Convention rappelle les proscrits. Ah, j'y songe, de Mailly. Gravez-moi donc un portrait de Charlotte Corday. Une femme grande et belle, brune, enveloppée de fourrure, entra dans le magasin et fit au citoyen Blaise un petit salut intime et discret. C'était Julie Gamelin. Mais elle ne portait plus ce nom déshonoré. Elle se faisait appeler la citoyenne veuve Chassagne et était habillée sous son manteau d'une tunique rouge en l'honneur des chemises rouges de la terreur. Julie avait d'abord senti de l'éloignement pour l'amende d'Évariste. Tout ce qui avait touché à son frère lui était odieux. Mais la citoyenne Blaise, après la mort d'Évariste, avait recueilli la malheureuse mère dans les combles de la maison de l'amour-peintre. Julie s'y était aussi réfugiée. Puis elle avait retrouvé une place dans la maison de mode de la rue des Lombards. Ses cheveux courts à la victime, son air aristocratique, son deuil, lui attiraient les sympathies de la jeunesse dorée. Jean Blaise, que Rose Thévenin avait à demi quitté, lui offrit des hommages qu'elle accepta. Cependant, Julie aimait à porter, comme au jour tragique, des vêtements d'homme. Elle s'était fait faire un bel habit de muscadin et allait souvent, un énorme bâton à la main, souper dans quelque cabaret de Sèvres ou de Meudon avec une demoiselle de mode. Inconsolable de la mort du jeune ci-devant dont elle portait le nom, cette mâle Julie ne trouvait de réconfort à sa tristesse que dans sa fureur, et quand elle rencontrait des Jacobins, elle ameutait contre eux les passants en poussant des cris de mort. Il lui restait peu de temps à donner à sa mère qui, seule dans sa chambre, disait toute la journée son chapelet, trop accablé de la fin tragique de son fils pour en sentir de la douleur. Rose était devenue la compagne assidue d'Élodie, qui décidément s'accordait avec ses belles-mères. « Où est Élodie ? » demanda la citoyenne Chassagne. Jean Blaise fit signe qu'il ne savait pas. Il ne le savait jamais, il en faisait une ligne de conduite. Julie venait la prendre pour aller voir en sa compagnie la Thévenin à Monceau, où la comédienne habitait une petite maison avec un jardin anglais. À la conciergerie, la Thévenin avait connu un gros fournisseur des armées, le citoyen Montfort. Sortie la première, à la sollicitation de Jean Blaise, elle obtint l'élargissement du citoyen Montfort qui, sitôt libre, fournit des vivres aux troupes et spécula sur les terrains du quartier de la Pépinière. Les architectes Ledoux, Olivier et Valli ils construisaient de jolies maisons, et le terrain y avait, en 3 mois, triplé de valeur. Montfort était, depuis la prison du Luxembourg, l'amant de la Thévenin. Il lui donna un petit hôtel situé près de Tivoli et de la rue du Rocher, qui valait fort cher, et ne lui coûtait rien la vente des lots voisins l'ayant déjà plusieurs fois remboursé. Jean Blaise était galant homme. Il pensait qu'il faut souffrir ce qu'on ne peut empêcher. Il abandonna la Thévenin à Montfort sans se brouiller avec elle. Élodie, peu de temps après l'arrivée de Julie à l'amour-peintre, descendit, toute parée au magasin. Sous son manteau, malgré la rigueur de la saison, elle était nue dans sa robe blanche. Son visage avait pâli, sa taille s'était amincie, ses regards coulaient alanguis, et toute sa personne respirait la volupté. Les deux femmes allèrent chez la Thévenin qui les attendait. De Mailly les accompagna. L'actrice le consultait pour la décoration de son hôtel et il aimait Élodie, qui était à ce moment plus qu'à demi résolue à ne pas le laisser souffrir davantage. Quand les deux femmes passèrent près de Monceau, où étaient enfouis, sous un lit de chaux, les suppliciés de la place de la Révolution, « C'est bon pendant les froids, dit Julie, mais au printemps, les exhalaisons de cette terre empoisonneront la moitié de la ville. » La Thévenin reçut ses deux amis dans un salon antique dont les canapés et les fauteuils étaient dessinés par David. Des bas-reliefs romains, copiés en camaïeu, régnaient sur les murs au-dessus de statues, de bustes et de candélabres peints en bronze. Elle portait une perruque bouclée d'un blond de paille. Les perruques à cette époque faisaient fureur. On en mettait 6 ou 12 ou 18 dans les corbeilles de mariage. Une robe à la cyprienne enfermait son corps comme un fourreau. S'étant jeté un manteau sur les épaules, elle mena ses amis et le graveur dans le jardin que le doux lui dessinait et qui n'était encore qu'un chaos d'arbres nus et de plâtras. Elle y montrait toutefois la grotte de Fingal, une chapelle gothique avec une cloche, un temple, un torrent. « Là, dit-elle, en désignant un bouquet de sapins, je voudrais élever un cénotaphe à la mémoire de ces infortunés brotteaux des Ilettes. Je ne lui étais pas indifférente, il était aimable. Les monstres l'ont égorgé. Je l'ai pleuré. « De Mailly, vous me dessinerez une urne sur une colonne. » Et elle ajouta presque aussitôt, « C'est désolant. Je voulais donner un bal cette semaine, mais tous les joueurs de violon sont retenus 3 semaines à l'avance. On danse tous les soirs chez la citoyenne Talia. » Après le dîner, la voiture de la Thévenin conduisit les 3 amis et De Mailly au théâtre Feydeau. Tout ce que Paris avait d'élégant y était réuni. Les femmes coiffées à l'antique ou à la victime, en robes très ouvertes, pourpres ou blanches et pailletées d'or, les hommes portant des collets noirs très hauts et leurs mentons disparaissant dans de vastes cravates blanches. L'affiche annonçait « Phèdre » et le chien du jardinier. Toute la salle réclama l'hymne cher aux muscadins et à la jeunesse dorée, le réveil du peuple. Le rideau se leva, et un petit homme, gros et court, parut sur la scène. C'était le célèbre Laïs. Il chanta de sa belle voix de ténor, « Peuple français, peuple de frères !» Des applaudissements si formidables éclatèrent que les cristaux du lustre en tintaient. Puis on entendit quelques murmures, et la voix d'un citoyen en chapeau rond répondit du parterre par l'hymne des Marseillais « Allons enfants de la patrie !» Cette voix fut étouffée sous les huées, des cris retentirent « À bas les terroristes ! Mort aux Jacobins !» Et Laïs, rappelé, chanta une seconde fois l'hymne des Thermidoriens « Peuple français, peuple de frères !» Dans toutes les salles de spectacle, on voyait le buste de Marat élevé sur une colonne, ou porté sur un socle. Au théâtre Feydeau, ce buste se dressait sur un pied douche, du côté jardin, contre le cadre de maçonnerie qui fermait la scène. Tandis que l'orchestre jouait l'ouverture de Phèdre et Hippolyte, un jeune muscadin désignant le buste du bout de son gournin s'écria « À bas Marat !» Toute la salle répéta « À bas Marat ! À bas Marat !» Et des voix éloquentes dominèrent le tumulte. « C'est une honte que ce buste soit encore debout !» L'infâme Marat règne partout pour notre déshonneur. Le nombre de ses bustes égale celui des têtes qu'il voulait couper. Crapaud venimeux, tigre, noir serpent. Soudain, un spectateur élégant monte sur le rebord de sa loge, pousse le buste, le renverse. Et la tête de plâtre tombe en éclats sur les musiciens aux applaudissements de la salle qui, soulevée, entonne debout le réveil du peuple, peuple français, peuple de frères. Parmi les chanteurs des plus enthousiastes, Élodie reconnut le joli dragon, le petit clerc de procureur Henri, son premier amour. Après la représentation, le beau De Mailly appela un cabriolet et reconduisit la citoyenne Blaise à l'amour peintre. Dans la voiture, l'artiste prit la main d'Élodie entre ses mains. « Vous le croyez, Élodie, que je vous aime ?»« Je le crois, puisque vous aimez toutes les femmes. »« Je les aime en vous, » elle sourit. « J'assumerai une grande charge, malgré les perruques noires, blondes, rousses qui font fureur, si je me destinais à être pour vous toutes les sortes de femmes. »« Élodie, je vous jure quoi ? Des serments, citoyen De Mailly ? Ou vous avez trop de candeur ?» « Ou vous m'en supposez trop ?» De Mailly ne trouvait rien à répondre, et elle se félicita comme d'un triomphe de lui avoir ôté tout son esprit. Au coin de la rue de la Loi, ils entendirent des chants et des cris, et virent des ombres s'agiter autour d'un brasier. C'était une troupe d'élégants qui, au sortir du théâtre français, brûlait un mannequin représentant l'ami du peuple. Rue Honoré, le cocher heurta de son bicorne une effigie burlesque de Marat pendue à la lanterne. Le cocher, mis en joie par cette rencontre, se tourna vers les bourgeois et leur conta comment, la veille au soir, le tripier de la rue Montorgueil avait barbouillé de sang la tête de Marat en disant « c'est ce qu'il aimait ». Comment des petits garçons de 10 ans avaient jeté le buste à l'égout et avec quel à propos les citoyens s'étaient écriés « voilà son panthéon ». Cependant, l'on entendait chanter chez tous les traiteurs et tous les limonadiers « peuple français, peuple de frères ». Arrivé à l'amour peintre, « adieu », fit Élodie en sautant de son gabriolet. Mais De Mailly la supplia tendrement et fut si pressant avec tant de douceur qu'elle n'eut pas le courage de le laisser à la porte. « Il est tard, » fit-elle. « Vous ne resterez qu'un instant. » Dans la chambre bleue, elle ôta son manteau et parut dans sa robe blanche à l'antique, pleine et tiède de ses formes. Vous avez peut-être froid, dit-elle. Je vais allumer le feu, il est tout préparé. Elle battit le briquet et mit dans le foyer une allumette enflammée. Philippe la prit dans ses bras avec cette délicatesse qui révèle la force, et elle en ressentit une douceur étrange. Et comme déjà elle pliait sous les baisers, elle se dégagea. « Laissez-moi. » Elle se décoiffa lentement devant la glace de la cheminée, puis elle regarda avec mélancolie la bague qu'elle portait à l'annulaire de sa main gauche. Une petite bague d'argent où la figure de Marat, tout usée, écrasée, ne se distinguait plus. Elle le regarda jusqu'à ce que les larmes eussent brouillé sa vue, l'ôta doucement et la jeta dans les flammes. Alors, brillante de larmes et de sourires, belle de tendresse et d'amour, elle se jeta dans les bras de Philippe. La nuit était avancée déjà quand la citoyenne Blaise ouvrit à son amant la porte de l'appartement et lui dit tout bas dans l'ombre « Adieu, mon amour. C'est l'heure où mon père peut rentrer. Si tu entends du bruit dans l'escalier, monte vite à l'étage supérieur et ne descends que quand il n'y aura plus de danger qu'on te voie. Pour te faire ouvrir la porte de la rue, frappe 3 coups à la fenêtre de la concierge. Adieu, ma vie. Adieu, mon âme. » Les derniers tisons brillaient dans l'âtre. Élodie laissa retomber sur l'oreiller sa tête heureuse, hélas. Vous avez pu entendre une production du Club d'essai, Lecture du soir. Cette production bimensuelle est consacrée, nous vous le rappelons, à la lecture d'un roman réparti en 3 émissions d'une heure, 3 jours consécutifs. Nous vous avons présenté cette semaine un roman d'Anatole France, Les dieux ont soif, dont Michel Bouquet a assuré la lecture. C'était aujourd'hui la 3e et dernière partie.